tu m'as jeté un sort. Près de toi, je ne peux plus respirer. Mon corps réagit à ton corps. C'est naturel, même pas besoin de forcer. Nous deux, on se fond dans le décor. Ton odeur et ta peau toute sucrée, tout ça me fait perdre le nord. C'est raté, je crois bien que je suis piquée. Tout ce que tu fais m'emmène si loin. Même pas besoin de pousser pour voyager. Des allers-retours, j'en ferai tous les jours. Tout ce que tu voudras tant que je suis avec toi. Viens avec moi, bye. J'aime ça quand tu m'appelles mi amor. Et toutes les autres sur le côté, ouais. Je suis la seule qui peut faire ça. Sur le côté, je suis la seule qui peut faire ça.